Salut, c'est David. Salut, c'est Zaza. Zaza. White Night, eh ben c'était un très beau. Ah bah c'était bien joli. On a beaucoup dansé, hein. Là je suis un peu essoufflée parce que. Et le White Night on le trouve partout maintenant. Ouais. Ça y est. Vous pouvez absolument partout. Vous pouvez vous l'emparer. Oui parce qu'il y a eu des dépressions quand même. Il y a eu beaucoup de gens en pleurs et tout ça, des gens qui réclamaient, qui écrivaient, qui téléphonaient pour avoir le disque. Et il a fallu pour éviter les suicides de mettre ça. Et vous verrez partout derrière c'est marqué d'utilité publique. Oui, c'est vrai, ça a été reconnu par le ministère de la Santé. De la Santé. La Santé, la santé on parlait de la prison, évidemment. Non, santé, mon cul comme il sent bon. Ouais. Écrivez-le comme vous voulez. Nous avons un auditeur en ligne. Bravo. Allô. Allô. Avant d'entendre, bonjour. Bravo. Bah, c'est bien qu'on ait un auditeur, savez... chérie, on pourrait ne pas avoir d'auditeur. Oui, il y a des émissions qui n'ont pas d'auditeur, je suis comme désolé. C'est mais... Ils attendent, c'est les et appels. Alors, ils attendent, alors ils auront passé un peu de musique. C'est horrible, ça. Ça enculé. Alors... On le sait déjà. Qu'est-ce qu'il dit? Allô, c'est pas une insulte. Voilà, on est... Ah, attends, je baisse mon... Vous êtes une bande de copains. Allô. Vous êtes une bande de copains, c'est ça? Voilà, on a une bande de copains. Et il y a Vivien, Romain, Jérôme, Frédéric. Et toi, t'es qui? Moi, je suis Frédéric. Il n'y a pas de gonzesse là-dedans. Non, il n'y a pas de gonzesse parce que... Bon, on vient de Joinville-le-Pont. Ouais. Et Jean Charcot en première S. Ouais. Et voilà. Pour vous, une grosse bite, c'est quoi à peu près? 19, 20? Non. Pascal, non, attends, tu remarqueras que la première qui a parlé, ouais, c'est la plus authentique des gonzesses de l'émission. Voilà, je vous passe un copain. Quand je dis la plus authentique, parce que moi je suis un peu quand même... Ouais. Comme le, tu sais, pendant la guerre, il n'y avait pas de sucre, il y avait la saccharine. Ça s'appelle des ersatz. Ok. C'est-à-dire, c'est ce qui est produit de remplacement, de substitution. Tu l'avais envoyé un petit peu, tu te parlais ça. Bon, ok. Bon, voilà, je vais vous passer un copain, Jérôme. Il a une queue qui fait 29 cm. Eh ben, on va lui trouver une plage chez Total. On va lui trouver une plage chez Total ou chez Esso, et pompe à essence. On a un problème, c'est qu'on veut se faire enculer, mais notre petit trou, imaginez, un petit trou du cul se faire défoncer par une bite de 29 cm. Moi, je vous interdis. Bon, attendez, je vous passe le copain. Je vous passe Jérôme. Est-ce que les 29 cm ont été certifiés? Ouais, est-ce que tes 29 cm ont été certifiés devant huissier? Est-ce qu'il y a la norme, est-ce qu'il y a la norme NF? Hein, est-ce qu'il y a la norme NF? Est-ce qu'ils sont estampillés, tes centimètres? Attends, j'entends rien, ça minute. Ouais, vas-y, c'est bon. Est-ce que tes centimètres ont été certifiés par huissier? Ouais. Ouais, estampillés, oui. Comment t'as mesuré? Ben, en dessous, que normalement, tu vois, je me mets à plat ventre. Ouais. Et ça aide. À plat ventre, ben, ça doit être... Ça aide beaucoup pour mesurer. Non. C'est le maître qui est fatigué. Ben, je suis sûr que t'as jamais vu ça de ta vie aussi. Si tu savais dans mes patients. Ben ça fait ton poste. J'en ai, je devais arriver un quart d'heure avant, je vois la bite arriver un quart d'heure avant. Un quart d'heure après, ça cogne à la porte. Et il y a déjà la bite qui est sur mon bureau. Et la bite, il y a un petit mot au bout. Le reste suit, c'est ça? Voilà. Ah, au bout. Ouais. Bon, alors ton copain fait 29 cm. Ouais. Non, c'est lui qui fait 29. Ouais, t'es beau. Ouais, j'ai un problème. Alors, voilà, mes copains, ils ont un tout petit trou du cul. Et je peux pas les enfiler, quoi. C'est toi qui as une grosse bite. Ouais, mais même. Énorme. Mais 29 cm, t'as pris en haut ou en bas? Quoi? T'as pris en haut ou en bas? De quoi? T'as pris à partir d'où c'est dur? Parce que c'est juste à côté du trou du cul, quand tu bandes, c'est un mais peu dur. Non, je prends pas à partir du trou du cul, je suis pas comme toi, moi. Parce qu'il faut pas prendre les 19 cm qui sont à l'intérieur. Non, ou t'as pris les 19 cm que t'as dans ton cul derrière aussi, toi. Et tu dis, bah oui, 19 cm, tout ce qui dépasse de l'autre côté. 29, mais t'as jamais baisé. Ah ouais? Bah quand tu veux alors. Je suis sûr que t'as jamais bouffé une chatte de ta vie. Tiens, attends, je te passe un copain. Non, toi. Je suis sûr que tu n'as jamais bouffé une chatte de ta vie. Avec moi, je suis sûr que toi t'as jamais baisé bon, de ta vie. Bon, vas-y, jure-moi sur la tête de ta mère que t'as déjà bouffé une chatte. Ouais, je te le jure. Non, sur la tête de ta mère et croisée ne compte pas. Ah et que si tu mens, elle passe par la fenêtre. Ouais, bah. Vas-y. Non, mais je te jure. Non, jure sur la tête de ta mère qu'elle passe par la fenêtre que t'as déjà bouffé une chatte. Attends. Je te jure sur la tête de ma mère qu'elle passe par la fenêtre que j'ai déjà baisé. Non, et t'as pas bouffé une chatte. Hein? Deux à trois, on saute. Bon, passe-toi ton copain. Elle est pourrie, ta main, hein. Allez, passe-toi ton copain, t'es une endive. Ouais, et toi, tu crois que t'es... Mais il faut que tu bouffes des chattes, putain de merde. Attends, allô. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, il a même bouffé la chatte à Raphaël. À Raphaël, ouais. Raphaël, là. Ouais. Non, c'est une meuf, ouais. Elle habite dans une cité en haut, c'est une salope. Non mais il a déjà bouffé la chatte. Il a peut-être qu'un, mais il faut lui dire. Mais de quoi? Mais il lui a déjà bouffé la chatte. Attends. Non, il a rien bec ta reste du tout. Ouais, attends, il te raconte des conneries là. Bon, alors Est-ce que tu veux qu'on t'explique comment on mange une chatte? Non, tu vas pas m'expliquer, hein. Tu veux pas m'écrire un livre non plus? Non, mais on peut t'expliquer, c'est pour toi. C'est ouais, pour vas-y, toi. Ça te fait plaisir. T'as 18 ans, tu vas pas me dire que tu sais bouffer une chatte. Ouais, vas-y, ça te fait plaisir, vas-y. Pascal. Ouais, Pascal, vas-y. Fais-moi bander, vas-y. Oui, sûrement. Ah, genre, non, il faut être honnête, j'aurais du mal à expliquer comment il faut lécher une chatte vu que je me fais lécher non, la chatte. Comment tu veux qu'on te lèche la chatte parce que... Ah oh, bah il faut... J'aimerais bien que ce soit le docteur Ruth qui me l'explique alors. Ah voilà. Bonjour. Je suis le docteur... Salut David. Je suis le docteur Ruth. Ouais. Et je fais des proutes. Et vous pouvez les faire lécher les chattes de la fille... Qui adore ça, okay. C'est délicieux. Vous avez 18 ans, 18 years, et vous êtes petit en dive, mais commencez à devenir bien. Ah, t'as vu ta gueule, toi? Alors, laissez-moi parler. Ouais. Oui. Alors, il faut mettre votre visage auprès de les barbus et... De lécher bien. Mais je préfère mettre ma queue, moi. À l'intérieur. Ah, vous êtes petite en dip si vous mettez la queue tout de suite. Vous êtes le lapin. Comme les garçons, 18 ans, bon, turne un peu. Je suis pas 18 ans déjà. Si, t'as 18 ans. Ouais, bon, allez, vas-y, continue. Non, mais il faut que tu saches bien lécher. Il faut que tu apprennes à lécher une chatte. C'est très très important. Non, si tu veux faire les JO. Moi, je vais dire. Plainte, non, j'ai je un dossier de plainte. Là. Je vais dire, avec tes 29 cm, si tu la lèches pas un peu avant, je crois qu'il va y avoir un grand ouais, malheur dans chier, ta vie. En fait, ça me fait chier, avec tes 29 cm. Hein. Ça te fait chier? Ah ouais. Ben Zaza, ça la fait pas chier, t'as qu'à venir la voir. Ouais, mais Zaza, je l'encule. Ah ben ça va la faire chier alors. Ah oui. Super bien. Non, mais c'est pas... C'est bien, au contraire, tu devrais être fier. Ouais, mais non, dans un sens, quoi. Il y a des alors, points que t'as pas pu. Si tu mets ta bite dans ton slip, elle descend un peu dans ton pantalon, et quand tu bandes, t'as la jambe qui se lève. Mais toi, je la retrouve dans ma chaussette aussi. Et dès que tu bandes, t'as la jambe qui se lève, t'as cloche-pied par terre, je bande. Et il y a des fois où t'as pas... Il y a des fois où t'as pas pu avec des meufs. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire comme fromage si tu te laves pas la bite? 29 cm, putain, ça doit te faire des clacos. Grave. Je suis pas comme toi, j'ai pas les boutons sur la queue, moi. Grave, ça doit faire des clacos. C'est les usines de Livaro. Vous êtes dans quelle ville? Quoi? Vous êtes dans quelle ville? Dans la demande, à Joinville-le-Pont. À Joinville-le-Pont, ouais. Eh ben avec ta bite, on pourra faire un joli pont. Ouais. C'est la Seine? Ouais. La Marne, connard. C'est la Marne, et je t'encule. Terminé au crachat. C'est normal 29 cm la pauvre malheureuse. Bon attends, je vais te passer Frédéric parce que lui il a un petit trou et puis il voudrait te demander quelque chose. Ah il voudrait se faire enfiler. Allô par de la grosse bite. Allô ouais voilà, ouais, moi j'aimerais bien me faire enfiler là. Bon ah, est-ce que toi t'as déjà bouffé une chatte? Non. Non, ah voilà, au moins t'es franc. Ah ouais moi je suis franc. Bon, mais est-ce que tu saurais si t'avais une chatte devant le blaze? Mais il aime les garçons. Ah non mais moi j'aime non, les garçons. Non, il fait tout, il fait tout. J'aime les garçons moi, mais ce que je voudrais me faire, c'est me faire mettre par Jérôme. Te faire casser. Comment? T'as envie de te faire casser. Ah ouais, je vais me faire détruire. Ah ça c'est ce qui m'est arrivé ça. Ah ouais, ils veulent plus de pile. Ah ouais, je veux plus de pile, je veux que quand j'avale mon sandwich, il ressorte entier. Hein. Ça fasse comme, ah, oh là là. Comme un évier. Ah ouais, un évier. Ton cul fasse comme un trou d'évier. Ah ouais, un évier, ouais. Bien, comme, ouais, tu sais bien. Un glougloutage. Voilà. Ouais. Mais je vais te dire après que tu t'es fait enculer. Ouais. Tu sais qu'il y a un espace de temps, il faut plus que tu ouvres la bouche parce qu'on va voir la petite lumière qu'il y a dans le fond. Et ça va être ton trou du cul qui va être ouvert, qui va être quand même plusieurs jours pour se refermer. Une veilleuse. Ça fait comme une veilleuse. Quand tu ouvres la bouche, tu vois une lumière dans le fond. Okay, ouais, et dans l'obscurité, alors on voit les enculés. Alors, à chaque fois que tu parles, voilà. À chaque fois que tu parles, il faut que tu sois assise. C'est pour ça que tu veux jamais aller dans un endroit sombre. Salope. Non mais alors non, Pascal, elle, c'est... Ça fait plus mal. Son et lumière. Oh, tu m'écrases un petit peu. Son et lumière, chérie. Bon, ça fait plus mal au début ou à la fin? Au début. Au début. Oh, bah, au début, après ça prête. C'est comme le cuir, ça prête. T'as l'habitude, toi, de toute manière. C'est l'introduction. C'est l'introduction qui est un peu difficile. Ouais, alors non, mais au début, parce que là, j'aimerais bien me faire, mais je sais pas, parce que c'est un mastodonte, son truc. Mais tu t'es déjà fait enculer souvent? Tous les jours? Jamais. Ah, ou ne commence pas. Il a envie de prendre gros pour le premier tour. Ah non, il a 12 ans, non? Il faut pas une initiation. Comment on fait pour préparer le truc au début là? Je vais t'apprendre, gros pute. Gueule pas. Non, mais il y a les parents qui écoutent dans la chambre à côté. maintenant. Mais non, mais prends surtout pas le 29 cm pour commencer, sinon tu t'en remettras pas. Ah, non, mais comment on pourrait faire au début après? Ah, non, prends autre chose, prends tu plus prends petit. Prends un entonnoir. Hein. Prends plus petit. Tu prends un entonnoir. Ou une râpe à gruyère. Un copain qui s'appelle Serge. Un chausse-pied. Ouais, mais Serge, il a que 12. 12, c'est rien. Eh ben, 12 centimètres. Prends 12. Parce que tu es enculé pour te faire enculer, tu veux. Parce que j'ai une touche avec un mec en cours là. Prends 12. Qu'est-ce que tu fais? Non, celle de 29 cm, tu la plies en deux. Non mais je reviens à mon copain Serge aussi. Serge, je suis sorti avec 2 mois. Ouais. J'ai eu peur de me faire tirer. T'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. C'est épouvantable d'avoir peur. Ouais, c'est épouvantable. Et ça t'a pris d'un coup, ça t'a pu lâcher. Ouais, Serge Gallonnier, c'est dingue. Et tu es un peu ballonné des fois, moitié envie de chier. Ouais, quoi. Le ventre gonflé, le cul qui réclame. Ouais, il arrivait, il m'a baissé le slip. Il a voulu... Tout le monde n'est pas comme toi, toi, hein. Foiré, bah... Tiens, va te masturber pendant que tu parles avec David, viens, va te mettre un doigt. Alors, il est arrivé, il m'a baissé le slip, et là, je me suis complètement contracté. Ah ben bah oui, alors là, il n'y a plus aucun moyen. C'était comme une piqûre de Zobaline. Il a serré les fesses, ouais, j'ai... Mais il y en a un qui a une voix de châtré derrière toi. C'est Vivien. Ah, d'accord. Vivien, t'as rien que le prénom, déjà, hein. Ouais. les prénoms, tu les rappelles, tu veux que je te rappelle les prénoms? Non, mais Vivien, c'est quand même grave, hein, quand même. Je veux dire, c'est un peu un handicap, hein. Enfin, c'est, je dis ça, ça comme, hein, c'est sans méchanceté. Sans rose, sans... Non, on voulait pas être... Vivien, il a les chicots opérables, il a une dent sur trois. Ça fait touche de ça fait un peu Carcassonne et ses créneaux. Ouais, c'est le piano, la cantonnette, ouais. L'année dernière. Il fait 1m60. Et les lunettes, c'est 2 chopines à bière. 1m60, 70 kilos, imagine le genre. Il roule. Ça peut rendre service. Il m'envoie le foutre dans la gueule. Bon, à Beyrouth. Ouais, ouais, attends, c'est Jérôme. Non, écoute, qui peux-tu la Beyrouth avec Kouchner et voilà. Il y a de la demande. L'ambassadeur d'Espagne a beaucoup apprécié son voyage. Il a dit, avant de mourir, je reviendrai. Ouais. Bon. Ouais, non, mais sans délirer. Alors, tu crois que c'est mauvais plan si je le prends directement? Ah non, oula. Tu la plies en deux. Ouais, mais dans ce cas-là, je peux m'en faire aucun. Hein. Ils sont tous puceux du trou, alors. Non, mais il faut bien te graisser et tout. Tu travailles avec une bonne crème, le fion et tout. Tu te travailles, tu fais une gymnastique au départ. Ouais. Comme la Nadia Kovalevitch. Et surtout, force pas. Voilà. S'ils ont vraiment très mal, t'arrêtes. Hein, parce que bon. Ouais, dans ce cas-là, j'ai plus qu'à aller me branler, moi. Bah, par exemple, ça peut pas faire de mal. Bon, on vous laisse vous enculer entre vous parce qu'on a encore des appels. Je vais passer un petit bonjour. Bon, vas-y, monsieur. Copain du lycée. Tout ça, c'est l'eau dans le cul. On se trouve dans la chatte à toutes les meufs. Ouais. Est-ce que vous avez commandé. Non, attends, une étable. Je vais passer un bonjour à un étable. Mec. Non, arrêtez de parler de pute, hein. Arrêtez de dégueuler au téléphone. Non, attends, il a chié. Il a chié sur le téléphone. Vraiment envie d'enculer, il s'appelle Thibaut. Ouais, tu m'entends, là? Porcherie, ça. Inestable. Ouais, tu m'entends, là-haut? Oui. Je vais passer bonjour à un mec qui s'appelle Thibaut, qui habite à Marolles, que j'ai et vraiment envie d'enculer. Faire, voilà. Ouais. Eh ben, très bien. Voilà. Eh ben, très bien, bon, on vous embrasse bien fort, enculez-vous bien entre vous. Et puis à très bientôt. Et surtout, il faut bouffer des chattes, hein, c'est très très bon. On me demande l'avis des adresses de réseau téléphonique. On vous a demandé? Bah oui, j'ai une fiche là, sous le nez. Énorme. Alors, pour les personnes pour assez vicieux, hein, c'est pour les vicieux, pour ceux qui veulent organiser quelque part tous. Parce que t'en connais des pas vicieux. Tu me le montreras. Pour ceux qui ont des grosses bites ou qui recherchent des grosses bites. Ouais. Pour ceux qui veulent insulter quelqu'un qui les réinsulte. Et ainsi de suite. Et pour les meilleures insultes, il y a des prix. C'est très très vicieux, oui, t'avais raison. C'est le absolument, il ne faut absolument pas louper ce service Minitel, c'est TBM. Vous faites 3615 et vous tapez TBM, c'est l'organisation de parties. Ah, il y a un petit jeu aussi. De parties finnois, il y a un jeu, le quiz de susbite et tout. Très tu as fait, toi, tu t'es fait sucer, c'est bien grave. Oui, oh là là, réussite totale, mais c'était un peu trop rapide. Ah, oui. T'as trop bien répondu aux questions, salope. Oui, alors après, je faisais exprès de mal répondre. Bon. Ça dure plus longtemps. Alors, si vous voulez vous amuser, vous faites 3615 TBM, 3615 TBM, c'est 24h sur 24. Si vous êtes gay, vous faites GAY 3615, 3615 GAY. Et si vous êtes hétéro ou goudou, 3615 LIO LIO. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? C'est Chuck. Jack. Chuck. Chuck. Ouais. Chuck. Comme ouais. Barry. Ah, ouais, check, voilà, check, Barry. Check, ah, check, voilà. Check. Et tu as quel âge, voilà, check? Moi, oui. J'ai 20 piges. 20 piges. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'excite? Quel est ton... Ben, tout à l'heure, c'était mon pote Jean qui voulait passer avant moi parce que Zazin, il était excité par Vincent, il voulait l'enculer. Ah. C'était Zazin, son fantasme. Zinzin. Mais il s'est dégonflé, et puis il écoute, là, il est mort de rire, il écoute. Il a eu rep. Bah, qui postule, qu'il envoie un dossier de candidature. Un CV avec une lettre de motivation, c'est ça? Voilà, la procédure CV, normale. Ses objectifs. Oui, lettre de motivation, oui. Les émoluments qu'il désire. C'était ses prétentions. Ses prétentions. Ses prétentions, c'était tout faire. Les prétentions salariales aussi. Oui, c'est surtout ça. Combien? Un petit 200. Combien il propose? Je sais pas, c'est à elle de proposer, c'est à lui de donner. Ah ben ça oui, ça. Ah oui, absolument, c'est mais de la ça procédure. Tout à fait d'accord. Il paye en liquide, il n'y a pas de problème. Et son plan de carrière aussi. L'homme propose, la femme dispose. Ah ben d'accord. Non, des fois c'est la femme propose et l'homme dispose, hein. D'ailleurs, des fois... Et Jean derrière là, il est comme un ouf, non? Ah ouais, c'est lui qui m'a fait écouter à la station, là, il m'a fait découvrir aujourd'hui. Ouais, ils sont tous branchés ici dans le quartier. T'es dans quel coin toi? C'est Saint-Denis, c'est la plaine Saint-Denis. Mais il y a une meuf tout à l'heure qui nous a appelé de Saint-Denis. Ouais, de Basilic là. Ah oui. Basilic. Et vous êtes de Basilic aussi? Non, c'est la plaine Saint-Denis, nous. Ah, la plaine Saint-Denis. Ouais. Avenue du Président Wilson. Voilà, tiens, c'est juste, tu tapes juste dedans et il y a un square. Il y a que des enculés, pour te dire. Non. Il y a l'humanité, là, mi-temps. Ouais, pour te dire, il y a même un rendez-vous, c'est les Tichiottes. C'est où? C'est l'endroit idéal. C'est où? C'est l'endroit idéal. Ça s'appelle l'endroit idéal. Voilà, c'est les Tichiottes au square. Et ça s'appelle, c'est marqué endroit idéal. Voilà. Et tu rentres, tu peux pas te tromper. Et c'est qu'il y a une meuf derrière là qui jacte? Mais non, il y a que des enculés, il y a que des mecs. Il y en a, il s'est parmi. Alors, donc, toi, c'est quoi? Toi, tu t'as déjà baisé quand même? Bah ouais, bien sûr. Bon, t'as déjà bouffé des chattes? Ouais, j'ai même mis de la confiture, du miel dessus. Mmh. Oui. Et des fois, j'ai même essayé une fois, elle était un peu plus âgée que moi, elle avait un chien à côté. Mmh. J'ai pris la gamelle de son chien, j'ai mis du canigou à sa moelle sur sa tâche. Il y a son chien qui m'a aidé à... Avec ta reste. Il a bien lichave le chat. Voilà, mortellement. La minge. Ouais. Et bien avec ta reste. Ouais, bien comme voilà. Canigou. Ouh, c'était le chien qui faisait le défi. Buffet. Un buffet campagnard pour le chien. Ouais, et Zazin, elle a jamais essayé ce truc-là pour lui demander. Mais Zazin ne fait plus rien depuis 1976. Ah oui, ça a été plâtré par... C'était l'année de la grande sécheresse, le plâtre a séché très vite d'ailleurs. Ça a été plâtré par Kosygine. À peine posé, le plâtre était... Voilà. C'est affreux, mais... fromage. C'est devant le malheur des paysans français que Zaza a décidé d'arrêter. Elle s'est dit par solidarité, et de j'arrête. Et consacrer aux autres. Tu te consacres comme voilà. Aux autres. Comme Mère Teresa. Comme te aux autres. Mère Teresa. Zaza, voilà. Mère Teresa. Il y a de ça. Y a de ça c'est au moins, la en retraite. Fait. Dis-moi, Jean. Ouais. Non, c'est Chuck. Ah oui, Chuck, excuse-moi. Chuck. Voilà. C'est marqué Chuck sur ta carte d'identité. Hein. Voilà. Chuck. Oui, Chuck. Chuck. Dis-moi, Chuck. La provision. La première fois. Attends. La première fois que tu as. Attends, si vous gueulerez moi, je pourrais lui dire. Chuck sur la banque du rire. Bien sûr. La première fois que tu as lichave une minge. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est rien du tout, c'était un délice. Elle avait des poils blonds, la meuf. Et ça t'a bien plu ou au départ ça t'a dégoûté un peu le goût? Non, pas du tout, j'étais affolé, j'ai tout bouffé. Tu perdais un peu le contrôle même. Ah ouais, t'as chié dans ton ben. Non, pas du tout. T'as précocement éjaculé. Non, c'est venu après. Ça, c'est venu après. C'est venu après. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être avec une fille, de palocher, de la toucher et tout, et de jouir dans ton ben sans qu'elle te touche? Ah, sans qu'elle s'aperçoive? Bah, sans qu'elle s'en aperçoive, mais de jouir comme ça en l'embrassant, en lui touchant les seins, la chatte et tout, mais sans qu'elle touche la bite. Ça t'est déjà arrivé d'envoyer dans ton ben? Ouais, quand j'étais plus petit. Ouais. Quand quand ça faisait une grosse tache brune sur mon froc? Sur ton froc. Brune. Non, c'est quand ça sèche, ça devient brune. Ah oui, quand c'est mouillé, ça c'est brun? Non, c'est quand ça sèche. Quand c'est mouillé, ça fait foncer sur un pantalon. Comme David ne couche qu'avec des nègres. Tout dépend du pantalon, non? Un pudding. Non, ça fait. Ça fait une tache. Bah, une tache mouillée. Oui, c'est quand ça sèche, ça devient une tache, comme tu dis, jaune. Ça fait une croûte. Une croûte jaune. Une peau de renard. J'ai jamais attendu de voir si. Tu devrais le savoir, t'es en train de baver sur ton froc là, regarde. Jette un coup d'œil. T'as ta chemise là. On dirait de l'acide, regarde. À qui il parle? Acide. Acide. Je ne comprends plus ce que acide. Je dis. À qui tu parles là? Mais il parle tout seul. Il parle tout seul, il raconte. On l'a branché en direct. Voilà, ça c'est y est, bon. C'est... Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pour nous? Oui. Pour tous là? Oui. Bon, tout ce qu'on vous bon est-ce qu'il y a de l'endive parmi vous? Non. Il y en a beaucoup même. Il y en a deux. Deux endives quand même. Ah oui. Et ce qu'on voudrait nous? Oui. Bon, ce serait des plans PD. Oui. Et des plans lesbiennes aussi. Parce que... la grosse bite. Attends, sois pas. Et l'autre, la gueuluche derrière. Un grosse bête. Il faut qu'elle appelle Dota parce qu'elle a plombé à la boue. Non, non, ce qu'il veut, c'est que tu pètes pour qu'il arrive, t'as pigé. Ah, j'ai pas arrêté de péter, personne n'est arrivé. Et vous cherchez des lesbiennes aussi. Des lesbiennes, parce que ce qui paraît, ça fait l'amour bien. Grave. Oh, bah, et... très grave. Qu'est-ce qu'elle a, Zaza, elle est jalouse. Elle est jalouse. Non, mais ça fait... Zaza, elle est en train de sucer pour l'instant. Ça fait, elle parle pas ça la bouche fait l'amour, pleine, tout le monde fait bien l'amour, enfin, il y a des gens partout qui font bien l'amour. Et bien, moi, personnellement, on m'a dit que les lesbiennes, tu meurs. C'est des lécheuses. Voilà. C'est des bonnes lécheuses. Voilà, c'est ce qu'on dit. Oui, mais si elles sont lesbiennes, elles aiment pas tellement les bites. Hein. C'est ça le problème. Voilà, pour te dire que mon pote Jean, ouais, il est abonné au Bois de Boulogne. Il dit que pour les suces, les meilleures pipes qu'ils font partout, quoi, C'est les vlots. C'est les vlots. Ah, eh oui. Et oui, pourtant, c'est pas, on lui dit quelle arrête, bonne réputation. On lui dit arrête, n'y va pas. Il fait non, je le veux, celui-là. Et après, il demande au vlot de lui toucher la bite en cachette pendant que vous n'êtes pas là. Non, lui mettre un doigt. Il respire mieux. Bah oui. Parce que moi, je connais des vlots qui sucent des bites. Hein. Mm-hmm. Mais moi, je vais te dire, il y en a 8 sur 10. 8 sur 10 qui font ça. Attends, mieux. Dans les clients, ouais, qui veulent toucher la bite du vlot. Ah non, pas les, je te parle pas, c'est le vlot qui lui met un doigt. Ouais, d'accord, non, mais il y a 8 mecs sur 10 qui se font sucer par des vlots, ouais, qui veulent toucher la bite du vlot. Pour voir ce que ça fait. Pour voir. Parce qu'ils enculent le vlot, ils touchent la bite, ils disent aïe caramba, j'allais transpercer. Non. Non, c'est bien connu qu'un gigot sans manche, hein, c'est pas un gigot. Voilà. C'est plus, voilà. Bon, les mecs, on vous laisse, on a d'autres manche. Appels. Y a pas de problème, hein. On vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas les badges, hein. Au revoir. Alors, rappel pour les badges, ah bah oui, parce qu'on va bientôt rendre. Alors, pour les badges. Avant de rendre l'antenne. Ou en même temps. Si vous voulez les commander, c'est très simple. Lune de Fiel, 21 rue de la Chapelle. 75 018 Paris. Voilà. Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Avec un chèque de 50 francs à l'ordre de David Girard ou un billet de 50 francs si vous n'avez pas de chéquier, si vous êtes interdit en rouge à la Banque de France, si vous n'avez plus rien, si vous n'avez qu'un billet de 50, évitez d'envoyer des faux billets parce qu'on vous les renvoie immédiatement. Ok, il y en a qui nous envoyaient des billets complètement péraves. Oui, j'ai laissé le billet dans ma poche, c'est passé à la machine à laver, mon cul c'est du poulet. Oui, justement, prends-en. Bon, alors prends-en une cuisse. Je prendrai le croupion. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu mon trou du cul? Ah bah je l'ai admiré. De près. Franchement. Je l'ai vu dans Playboy déjà. En quelques mots. Une pièce. Un gâteau. Une pièce de musée. Admirable à mettre au musée de la à mettre au palais de la découverte au musée de l'homme en même temps. Ils vont classer monument historique bientôt. Monument historique. Non, j'attends un peu. Hein. Hein, on a encore des badges avant. Ah d'accord. Et après. Après tu faudras ton cul. Voilà. Ce sera un retour à la source. Voilà, venez m'enculer, ça vous portera bonheur. Zaza fera guide. 50 francs pour l'enculer. Ouais. Hey, 50 francs, vous pouvez nous enculer tous les trois. Ah bah dis donc. Alors par correspondance seulement, hein. Quand il y a la grève des postes. Voilà. Alors, je vous rappelle pour les badges, c'est 50 francs en chèque ou en espèces. Pas de mandat, bande d'enculés, pas de mandat. Avec, n'oubliez pas, votre adresse, nom et adresse à laquelle on vous envoie. On vous envoie dans des enveloppes très discrètes, il n'y a pas de problème. Vous recevez ça dans les 48 heures et 48 heures après, c'est le bonheur pour vous. Votre vie sera changée, vous allez rencontrer des camarades, des copains, des copines. Mais surtout, respectez les règles. Les règles sont les suivantes. En donner un à une fille, le cas échéant à un mec... Et bien faire signe à toutes les personnes qui ont les badges ou que vous avez reconnu dans la rue et tout, un petit signe, un petit clin d'œil, un truc comme ça. Voilà. Alors, Lune de Fiel, David Desaza, 21 rue de la Chapelle, Paris 18e. 50 francs en chèque ou en espèces et vous avez 3 badges pour cette somme. Voilà, nous avons un dernier auditeur en ligne. Allô ? Allô, allô, il y a de la merde dans le tuyau ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, allô ? Parlez, monsieur ! Mettez une pièce dans l'appareil ! Oui, c'est toi qui grogne, là. Allô ? Oui. Salut ! Ah, salut ! Quel est ton prénom ? Je m'appelle Freddy. T'arrivais pas à nous parler ? Non, parce que j'étais en train de chercher un stylo, là. Ah, okay. D'accord. Très bien. Alors, tu t'appelles Freddy et tu as quel âge ? J'ai 19 ans. 19 ans. Tu as déjà fait l'amour ? Ouais. Ouais ? Plein de fois ? Ah, j'ai un beau petit palmarès. Ouais ? Combien ? 5, 6 ? Oh non, plus. 10 ? Oh, 12. 12. Est-ce que tu les notes ? Non. Tu mets des croix sur ce calendrier. Voilà. Tu te souviens de tout, ça? Comme mes souleries. Zaza. Non, des fois, j'étais complètement sous, alors. Ah, d'accord. Ah, bravo, bravo. Bravo, c'est très bien. Oh, très bien. Très, très bien. Et alors, donc, toi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'arrive plus à dormir. Ah, ah. Ça c'est oui, il faut aller voir le docteur. À cause de Pascal. Ah, ah. Voilà, Pascal, ça y est, voilà. Un admirateur. Elle en suscite des passions. Et pas de moi ni de Zaza. Oh, Zaza avant. Et moi, je suis en dernier. Malheureuse. Bah, t'es la plus riche, c'est normal. Hein. Laisse aux pauvres un peu qu'ils aient. Voilà, exactement. C'est, moins c'est ma philosophie. L'impact sexuel. Hein. C'est ma philosophie. C'est gentil d'aimer les pauvres. On peut pas avoir le beurre. Je vais te connecter avec Mère Teresa. Tu vas aller aux Indes baiser les pauvres hindous qui n'ont. Qu'est-ce qui te fait fantasmer dans Pascal? Sa voix. Ah. Il y a pas son savoir-faire. Ouais aussi. Son faire savoir. Ouais. Qu'est-ce que tu lui ferais? Ne t'étrangle pas. Oui. Un bon chlicave de minge là. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Tu peux parler en termes clairs parce que moi je. Je n'assimile pas très bien les langues étrangères. Alors tu peux me parler en. Est-ce que par exemple, vous pouvez, tu peux baiser avec lui à l'antenne. Tu lui expliques. Je te demande que ça, qu'elle me guide. Ce qu'elle va te faire. J'aimerais bien qu'elle me guide. D'accord. Bon, tu m'écoutes. Je t'écoute. D'accord. Bon, tu es où là? Tu es allongé sur ton lit? Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Tu es déshabillé? Ouais. Ouais. Tout nu? Non, j'ai mon caleçon. Ouais, enlève ton caleçon. Attends, j'ai mis le caleçon. Ouais, voilà. Ça y est ? Ça y est. Bon. Tu as pas beaucoup de poils, hein ? Tu es imberbe ? Non, j'en ai plutôt. Ouais. J'en ai assez. Alors, je te caresse ta bonne toison. Mmh. Ouais, je commence à t'embrasser le cou. Mmh. Ouais, puis je descends. Je commence à t'embrasser les seins aussi. Puis il y a mes cheveux qui te caressent en même temps. Qui sont des fêtes, qui te caressent, oui. Puis je continue à t'embrasser, et puis je t'embrasse sur la bouche aussi avec la langue. Mmh. Et puis je commence à me frotter contre toi, je suis au-dessus de toi, et puis je commence à me frotter contre toi avec mes seins. Et puis je frotte mon sexe contre le tien. Et c'est plus de 2300 francs. Arrête, tu vas les faire débander ceux qui se branlent. C'est pas faux, ce que tu dis là n'est pas faux. Mais qui vous l'a dit? Ah, vous faites un joli métier. Ah, bah. T'as eu un moment de bonheur là quand même, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne malheureusement. On a dépassé de 10 minutes. Non, on n'a pas dépassé, on peut prendre encore un appel. Non, elle est passée. Non, il y a encore. Non. Eh, laissez-moi prendre mon pied. Alors, est-ce que tu veux te branler qu'on écoute à l'antenne? Ah. Branle-toi la bite et tu la mets à côté du téléphone. Ah bon, ça fait du bruit. Est-ce que tu bandes? Ah ouais. Tu bandes? Tape-la contre le téléphone. Fais-moi entendre. Ah, non, mais tu tapes ton briquet. Mais j'ai ça à faire. D'abord, je ne fume pas. Bah, tu tapes la cloche à côté. Voilà, là. Exactement. Je prends la batte de baseball et je tape dessus. Tape bien ta bite contre le téléphone. Non, c'est pas ta bite, ça. On sait ce que c'est. Ah bon? Bah, tant mieux, alors. Eh, non, mais si tu veux que Pascal soit excité, il faut au moins que tu la fasses démarrer, qu'il y ait un start. Bon, je le fais. Ah, là je crois. Ouais, là aussi, ouais. Hein aussi. Voilà. Oui. Petite salope. Ah. Au début, c'était le pouce. Ah. Alors, qu'est-ce que tu lui fais, toi, Pascal? Ah. À toi de parler un peu. Ah. Elle t'écoute. Alors, je l'embrasse dans le cou. En même temps, je lui caresse les seins. Branle-toi en même temps. Allez, je fais que ça. Et puis, je descends. Et puis, je lui ouvre un peu les cuisses. Il fourre ma tête. Il y a un léger goût sucré. Continue. Continue. Et tu mets les mains sur la tête. Continue, salaud. Et en même temps, avec la main gauche, je me caresse. Ah oui, vas-y, salaud. Et après, je remonte sur les seins. Je lui ouvre les jambes. Oui, et je mets le four. J'ai soif. Je mets le steak au four.